Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. De retour de son déplacement à Kigali au Rwanda pour une réunion sous-régionale sur l'implication des femmes dans leurs droits, la première dame du pays a regretté que des filles quittent le banc de l'école pour aller se faire recruter comme main d'œuvre destinée à l'étranger. Manger des amarantes arrosées avec des eaux usées provoque à la longue du cancer, fait remarquer le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité. C'est le directeur général du BBN qui l'a dit ce mercredi dans une conférence de presse. Les anciens combattants handicapés reprochent au ministère de la Défense nationale d'avoir été injuste à leur égard en leur retirant la pension d'invalidité depuis 2007. Dans la chronique Parlera sur moi, le sociologue Patrice Savuguheva nous expliquera comment les discours appelant à la violence débute par l'animalisation des gens. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. L'épouse du chef de l'État, Angeline Ndayishimiye, regrette que des jeunes filles quittent le banc de l'école pour être envoyées dans les pays du Golfe en quête du travail. Angeline Ndayishimiye demande aux parents et aux sociétés de recrutement de la main-d'œuvre de ne plus violer les droits de la femme. Propos tenus après une visite qu'elle a effectuée au Rwanda, elle était allée dans une réunion de la sous-région sur l'implication des femmes dans leurs droits ce mardi. C'était sur la frontière de Gasenyi-Nemba, commune de Busoni, de la province Kayanza. Suivez-la. Les droits de la femme ne peuvent pas être évoqués sans inclure les jeunes filles. Si nous analysons ce qui se dit et qu'on évoque l'appel à l'aide de ces jeunes filles qui sont parties, moi, tant que parent, je dirais à ces jeunes filles et à leurs parents d'enquêter avant d'entamer ces voyages. Je lancerai un appel à ces sociétés de recrutement de ne pas envoyer ces jeunes filles dans des endroits où ils ne connaissent pas et aux parents un clin d'œil. Il y a des enfants qui quittent le banc de l'école pour être envoyés là-bas. Je me demande pourquoi ils les envoient là-bas sans qu'ils aient terminé l'école. Quel futur vont avoir et qu'en est-il du futur de notre pays? Nous avons besoin de femmes instruites et intelligentes qui ont étudié. La fois passée, j'ai vu une vidéo de quelques jeunes filles qui se plaignaient qu'un homme est enceinte et par terre. C'est ce qui m'a interpellée pour faire une réaction en disant à ces sociétés de recrutement qu'ils vérifient tout d'abord où ils envoient ces jeunes filles et leurs employeurs pour enfin les envoyer en sécurité. Angeline Ndayishimiye, traduite par Sheila Irambona. Les conducteurs de camions-citernes transportant du carburant saluent qu'ils déchargent un peu de temps. Ceux qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro ce mercredi indiquent qu'ils passaient trop de temps au moment où les entrepôts du carburant restaient pleins. Jean de Dieu, il a côté. Nous sommes à la gare routière de Bujumbura où des camions attendent le déchargement des produits. L'avant-midi de ce mercredi, il n'y avait aucune camion-citerne encore chargée du carburant. Les transporteurs de ce produit saluent qu'ils déchargent sans tarder en ces jours. Ahmed Toaha est l'un d'entre eux. Nous ne perdons pas beaucoup de temps ici au Burundi. Je suis arrivé hier, aujourd'hui, j'ai déjà déchargé et c'est le même cas pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Il indique en outre qu'il pouvait tarder quand les entrepôts sont remplis. En cas de pénurie de carburant, c'est cette période que notre travail est rapide. Des fois, nous attendons quand les entrepôts sont pleins. Auparavant, on pouvait même attendre tout un mois. Le porte-parole du ministère de l'Énergie a récemment annoncé que les études relatives à la construction d'autres entrepôts et stocks stratégiques sont déjà avancés. Le Bureau burundais de normalisation et de contrôle de la qualité recommande aux cultivateurs des amarantes en mairie de Bujumbura de ne plus arroser leurs champs avec des eaux usées. Le directeur général du BBN l'a dit ce mercredi dans une conférence de presse à Bujumbura. Séverin Sindayi Kengera explique que cela provoque du cancer. On l'écoute. Nous sommes revenus sur les éléments vraiment élémentaires du contrôle de la qualité. Ici, nous avons évoqué la sensibilisation qu'on a fait pour les cultivateurs des amarantes ou des aubergines dans la ville de Bujumbura surtout, ou dans d'autres villes. Nous les avons conseillé d'utiliser de l'eau propre pour leur arrosage. mais très malheureusement, qui continue à faire sourd oreille. Et là, le PBN n'y puis rien, ne ferme pas les yeux. Nous recommandons à nos autorités de permettre la cessation de ces activités de culture des amarantes dans la ville de Bujumbura. Et dès aujourd'hui, nous allons contacter les ministres intéressés pour nous aider à peut-être ordonner l'application de cette mesure. Sévéré Sindai Kengera, directeur général du BBN, dans cette conférence de presse, il a ajouté que les marchands ambulants qui vendent des glaçons sucrés aux alentours des écoles de cesser, car, prévient-il, ces produits nuisent à la santé des enfants. Les anciens combattants handicapés reprochent au ministère de la Défense nationale d'avoir été injustes à leur égard en leur retirant la pension d'invalidité depuis 2007. Cassien Vis-à-Vigomba, président et représentant légal de l'Association de développement des militaires handicapés, signale qu'ils ont adressé des correspondances de protestation au ministre de la Défense nationale, mais qu'ils n'ont pas eu de réponse. Ils demandent au chef de l'État d'intervenir dans ce dossier. Suivez-le. Les anciens combattants handicapés aujourd'hui souffrent de l'injustice envers le ministère de tutelle, donc le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Depuis la démobilisation en 2006, on nous avait enlevé de l'argent disant que ce sont des indemnités alors que les militaires en non-activité ne bénéficient plus des indemnités. Et aujourd'hui, nous revendiquons aussi l'argent que le ministère nous a enlevé sur notre pension d'invalidité. Donc, comme son Excellence le Président de la République du Burundi a fait un geste pour les militaires et les policiers, nous aussi, nous avons bénéficié de sa faveur ou bien son droit. Là, nous aussi, les anciens combattants handicapés, nous avions bénéficié le triple de ce que nous avions auparavant. Mais ce qui nous a fait étonner, c'est qu'à la fin du mois de mai, on nous a enlevé tout l'argent que nous avions reçu à la fin du mois d'avril. Donc, la CKDM n'a pas le salaire suffisant pour qu'il puisse avoir ses intérêts sur les crédits découverts. Donc, nous disons que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut savoir ce qui se passe au sein de l'armée et la police nationale envers les anciens combattants handicapés. L'Association pour la défense des droits de l'homme et des prisonniers en particulier demande l'annulation de toutes les mesures judiciaires et scolaires prises à l'endroit de Christelle Ndayishimiye, cet élève du lycée communal Mugendo en commune Nhega de la province Kirundo. Dans une déclaration sortie ce mardi, Jean Nayabagabo, représentant la VDP au nord-ouest et centre du Burundi, encourage les efforts de rétablir dans ses droits cette fille, victime selon lui de harcèlement sexuel. AVDP, dans la région du Nord-Est-Centre, condamne avec amertume et contre le comportement d'injustice qui est devenu routine chez certains magistrats et procureurs dans la région. AVDP réagit dans cette période où il y a une élève du lycée communal Mugendo de la commune Nega qui a crié à haute voix qu'elle est menacée par son directeur qui voulait lui imposer des rapports sexuels. Christelle a dû arrêter ses études à cause de la violation psychologique faite à la fille par son directeur. AVDP condamne également les personnes qui, au lieu d'intervenir, se sont précipitées à emprisonner Christelle dans le but de couvrir le directeur dans son comportement malsain. L'AVDP demande qu'il y ait des enquêtes approfondies à toutes les personnes qui n'ont pas intervenu car ils couvrent le présumé auteur de l'infraction pour ne pas être poursuivi par justice. AVDP demande que toutes les mesures injustes prises contre Christelle Ndayishimiye, que ce soit les mesures au règlement scolaire ou les mesures relatives au code pénal dans le parquet de Kirundo, soient relevées et que sa liberté et sa sécurité soient respectées pour pouvoir continuer ses études. Vous saurez que le chef de l'État a déploré ce mercredi la décision prise par les magistrats du tribunal de grande instance de Kirundo accusant une élève de révélation du secret de professionnel alors qu'elle serait victime de violences sexuelles. Le président de la République s'exprimait ce mardi dans la province de Karoussi. Évariste Ndayishimiye lançait la campagne d'exécution des décisions de justice non encore mises en application. Pour lui, de tels magistrats ne méritent pas d'être là où ils sont et devraient abandonner la profession. Les personnes vivant souvent des activités exigeantes du courant électrique sont perturbées par les coupures répétitives d'eau courant au chef-lieu de la province de Cibitoke. Elles demandent à la régie des eaux de s'y pencher puisqu'elles enregistrent déjà des pertes énormes. Le responsable de la régie des eaux en province de Cibitoke explique que ces coupures sont dues aux travaux en cours au niveau national. Correspondance d'Alexis Ndairagidje. Ces bénéficiaires de la régie des eaux qui grognent suite aux coupures répétitives du courant électrique sont surtout les propriétaires des pâtisseries, des salons de coiffure, des propriétaires des décortiqueuses du riz, des moulins, également ceux qui ont besoin de retirer de l'argent dans les microfinances qui n'ont pas de groupe électrogène. Ils affirment qu'ils sont en train d'enregistrer des pertes énormes puisqu'ils ne sont pas informés sur la période de coupure d'eau courante. Le responsable de la régie des eaux en Proche-Bitoke indique que ces coupures sont dues aux travaux de la régie des eaux en cours au niveau national sans toutefois préciser de la clôture de ces travaux. En leur demandant de se retenir, ces personnels aisés demandent à la régie des eaux de préciser chaque fois l'heure ou la durée de coupure d'eau courante afin qu'ils puissent organiser le travail conséquemment. Depuis Cibitoke, Alexis Ndairagidje, Radio Isanganiro. Et en bref, les administratifs et la police de sécurité routière sont appelés à veiller à ce que les transporteurs fassent parvenir les passagers à destination. Cet appel est de Fabrice Nkurunziza, deuxième vice-président du Sénat burundais, lors d'une réunion avec les représentants de la population de la province Rumonge ce mercredi à Rumonge. Selon lui, il y a des conducteurs de bus Coaster qui obligent les passagers à payer presque le double du ticket officiel en ne les faisant parvenir qu'à mi-trajet. Parle, rassure-moi. Les discours appelant à la violence débutent par l'animalisation des gens. Dans son analyse, le sociologue Patrice Savuguheba appelle les leaders politiques et religieux à en être conscients pour éviter des violences de masse. Il recommande à la population de ne pas prêter oreille aux discours divisionnistes. Les détails, c'est dans cette chronique par le Rassure-moi avec Mireille Kanyang. Les discours appelant à la violence symbolique sont caractérisés par l'animalisation d'un individu ou d'un groupe, explique Patrice Savuguheba, sociologue. Les violences symboliques sont liées au message qui stigmatise l'autre. Et généralement, celui qu'on stigmatise, on l'identifie comme un animal, on l'identifie comme un mal quelconque, jusqu'à le prendre comme tel. Et là, le message donné, en lui-même, il y a la violence. Quelqu'un, c'est un pasteur. On peut le qualifier de Satan. Parce qu'on veut qu'il soit noirci. De tels discours ou messages haineux peuvent se propager à grande échelle à l'ère des réseaux sociaux. Le lien est que les messages échangent entre les chefs, entre les leaders. Mais ce qui est dit à Bujumbura, à Gitega, à Ngozi, à Makamba, va se retrouver à Karusi, à Ruyigi, dans un coin, sur une colline, dans une zone. Et les gens commencent à se poser la question de savoir comment de tels messages de violence se sont infiltrés jusque dans les recoins, dans des coins, sous les bananeraies. Et là, c'est parce qu'il y a eu prolifération. Cette fois-ci, on ne va pas dire que c'est un homme mauvais, on va l'appeler animal. Ce genre de discours s'observe à l'approche de grands événements dans certaines églises ou formations politiques. Selon ce sociologue, dans un pays post-conflit, l'une des conséquences de ces discours appelant à la violence est le déchirement du tissu social. Dans les pays post-conflit, le danger est que ce langage qui appelle à la violence rappelle le passé. Et le passé sombre, le passé teinté par des guerres. Et des guerres qui, malheureusement, n'ont pas effacé les séquelles. Et là, la violence symbolique sera changée en violence, cette fois-ci physique. Le tissu social va être déchiré, le sang va être versé, les intérêts divergents qui étaient cachés, cette fois-ci, vont s'étaler à grand jour. On va constater que celui, le leader de ce groupe qui a commencé les messages de haine et de violence dans son coin, est pour l'objectif commun, conquérir le pouvoir. Patrice Sabougouheba appelle les leaders religieux et politiques à être conséquents sur les messages donnés et à la population de dire non et minimiser ces messages haineux qu'ils reçoivent de leurs leaders et dire oui aux messages de paix et de développement. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Ne tournez pas le bouton, les programmes continuent sur Isanganiro.